التوحيد هذا توحيد الأسماء والصفات on va inshallah ta'ala on va y revenir avec beaucoup de tafsir يعني beaucoup de détails seulement on va marcher un peu dans le livre هذا ensuite on va revenir inshallah ta'ala avec aux détails. Maintenant je vais poser une petite question, celui qui a la réponse je lui enlève le point rouge, il lève la main, je lui enlève le point rouge, il me répond. Celui qui a la question, celui qui a la réponse, à part Riyad. Riyad, toi inshallah, tu réponds le dernier. S'il y a personne qui répond, tu réponds. Il y a un hadith sahih, voilà la question. Il y a un hadith sahih qui dit que Allah Azza wa Jal a 99 noms. Son nom sont sauf un. 99 noms. La première question. Est-ce que Allah Azza wa Jal, voilà, c'est un hadith sahih bien sûr. Est-ce que Allah Azza wa Jal a-t-il seulement 99 noms ou bien il en a plus? Voilà la première question. Allah Azza wa Jal a-t-il seulement 99 noms comme dans ce hadith ou bien il en a plus? Tafaddal muslim normal. Muslim normal, j'attends ta réponse. Salam. Allah a plusieurs noms qui ne sont pas connus. Barakallahu J'avais dit que la deuxième question c'était si quelqu'un nous dit, il y a un hadith sahih qui dit que Allah Azza wa Jal a 99 noms. Comment on va répondre à cet argument? Parce que nous on dit que Allah Azza wa Jal a plus de 99 noms. Mais s'il nous dit alors comment vous allez répondre à cet argument? Il y a un hadith sahih qui dit qu'il a 99 noms. À part Muslim Meiria, on attend un peu les autres s'ils connaissent la réponse. Donc il y a un hadith qui dit que Allah Azza wa Jal a 99 noms. Nous on vient de dire que Allah Azza wa Jal a plus de 99 noms, plus. Comme dans le hadith par exemple, comme dans le dua où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma inni 'abduka ibn 'abdik nasiyati bi yadik madin fiya hukmuk 'adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak. Je te demande, Allah Azza wa Jal, je te demande avec tous les noms, ou istatartabi, que peut-être tu as caché, yani tu as laissé en secret, istatartabi fi ilmi al-ghayb indak, tu as laissé en secret, yani dans ta science. Donc il y a des noms que Allah Azza wa Jal a laissé secret. Donc voilà un dalil que Allah Azza wa Jal a plus de 99 noms. Mais la question, comment qu'on répond à celui qui nous vient avec le hadith? Il nous dit, non, moi j'ai un hadith qui dit il a seulement 99 noms. Comment tu réponds à ce hadith? Personne n'a la réponse. Personne n'a la réponse. Ça veut dire que ou bien il n'était pas présent dans les dars qui sont passés, les doros qui sont passés. Ou bien que... On répond 99 noms connus. Oh, il y a une autre réponse. Riyad Faddal. Riyad Faddal. Naam, on répond, on va dire, quand Allah Azza wa Jal, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah Azza wa Jal a 99 noms. Men ahsaha dakhala al-jannah, celui qui les connaîtra, ça ne veut pas dire qu'il les connaît, va les apprendre par cœur. Ça a un autre sens, on va l'expliquer. Qui les connaîtra, rentrera au paradis. Le sens, c'est que ces 99 noms, il y a 99 quiconque les connaîtra et les pratiquera, bien sûr, ira au paradis. Mais ça ne veut pas dire qu'il a seulement 99 noms. Il a beaucoup de noms, entre autres, il a 99 quiconque les apprendra et les pratiquera entrera au paradis. Comme je dis par exemple, moi, Je dis par exemple, j'ai deux voitures à vendre. Ça ne veut pas dire que je possède seulement deux voitures. Non, je possède 10 ou 20 voitures. Mais j'ai seulement deux à vendre. Allah Azza wa Jalla a beaucoup de noms, peut-être des milliers, peut-être des millions. Mais il a 99, quiconque les saura et les pratiquera, rentrera au paradis. Voilà le sens du hadith. Quand il a dit, il a 99 noms. Ça ne veut pas dire qu'il a en tout 99 noms, mais ça veut dire qu'il a quand spécialement, quiconque les connaîtra, les pratiquera, rentrera au paradis. Mais ça ne veut pas dire que, comme je viens de le dire, qu'il a seulement 99, comme on l'a dit déjà une fois. Ensuite, عثيمين على الحمادي بأنه هو الله وهو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم le connaisseur de l'invisible عالم الغيب والشهادة tout comme du visible c'est lui le tout miséricordieux le très miséricordieux ensuite il a dit هو الله الذي لا إله إلا هو c'est lui Allah nulle divinité autre que lui. Ensuite il a dit, Cheikh Ibn Othaymin Rahmatullah, il a dit, il va donner quelques noms. Il va donner quelques noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, pardon ici, je vais voir pourquoi ça se trouve pas. Il a quelques noms, il a parmi les noms qu'il vient de citer, bien sûr, il y a certains. Peut-être voir le machaquer ou non. Fais saute ou la fais saute. C'est revenu le son Adam. Là il est bloqué. Non. Maintenant il y a du son ou là il n'y a pas de son. Bon. Alhamdulillah, c'est revenu le son. J'étais en train de dire que Cheikh Ibn Othaymin ensuite il a cité quelques noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a cité quelques noms, trois noms qu'il a, par exemple, stop un peu, comment ça se coupe. Salam alaikum. Fais saute parce que j'étais déconnecté. Non, j'étais déconnecté. Je disais que Allah Azza wa Jal avait des noms. Il a les plus beaux noms. Il a les plus beaux noms. Chaque nom, bien sûr, contient un attribut. Et nous, on doit connaître ces noms et ces attributs. On doit aussi les pratiquer, comme je viens de dire, non pas seulement les apprendre. Parmi ces noms, Al-Mu'min. Allah Azza wa Jal huwa al-Mu'min. En français, j'ai vu la traduction, c'est l'apaisant. L'apaisant. Qu'est-ce que ça veut dire al-Mu'min, l'apaisant? Ma ma'na al-Mu'min ay al-musaddiq ma wa'adahu wal-muhaqqiquh. Ay Allah Azza wa Jal huwa al-Mu'min ay wa'ada 'ibadahu bi ashiya fa innahu سيحقق ذلك ويصدقه. الله عز وجل a promis des choses, a promis par exemple de faire entrer que les musulmans au paradis a promis qu'il y a dans le paradis ceci et cela, etc. Allah Azza wa Jal mu'min, il fera parce que nahu mu'min. Voilà le que ça veut dire le mu'min. Salam, Allah Azza wa Salam. En français, ça donne le pur. Salam, le pur. Waqila salima min kulli aib wa naqs. On a dit le pur, pourquoi? Parce que il est loin, il est pur de tout défaut et tout naqs. Yani on dit naqs, yani il n'a ni défaut ni bon, on dit naqs, yani on dit, je sais pas comment on dit naqs. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas de défaut. Allah Azza wa Jal n'a pas de défaut, il est parfait. Allah Azza wa Jal est parfait. Et certains ulama ont dit as-salam ay alladhi salima al-khalq, mais voilà, il n'a pas d'imperfection. Certains ulama ont dit Allah Azza wa Jal huwa as-salam li'anna al-khalq salima min dhulmihi, li'anna al-khalq salima min dhulmihi. D'autres ulama ont dit Allah Azza wa Jal s'appelle le salam parce que ces créatures sont yani alhamdoulillah, il n'est pas injuste envers elle, envers le yani ces créatures, yani les créatures alhamdoulillah, elles sont yani dans la tranquillité que Allah Azza wa Jal pas faqad salimu. Donc c'est les créatures salimu min hada yani mushkila. Ensuite c'est le Quddus, le souverain. Ou le Quds en arabe, ça veut dire tahara, la pureté. C'est ça qu'on dit, le Quddus. El-Malik, le tout puissant. El-Malik, El-Aziz, le prédominant. El-Muhaymin, le rassurant. Wa huwa man ammana ghayrahu min al-khawf. C'est celui qui a rassuré les autres de la peur. Celui qui a rassuré ces créatures de la peur. ولهذا يقولون الإنسان إذا خيف منه يهرب منه. والله عز وجل إذا خيف منه يهرب إليه. كما قال عز وجل ففروا إلى الله. في علماء on dit quand on a peur de quelqu'un, subhanallah al-adhim, quand on a peur de quelqu'un, on s'enfuit de lui. Et Allah Azza wa Jal, quand on a peur de lui, on s'enfuit vers lui. Voilà la grande différence. Quand on a peur de quelqu'un, du créature, ou là d'un osmoud, d'un lion, ou là, qu'est-ce qu'on fait? On s'enfuit de lui. Mais Allah Azza wa Jal, quand on a peur de lui, on s'enfuit vers lui. C'est vers lui qu'on s'enfuit. Comme il a dit dans le Coran, Fafirru ilallah. Enfuyez-vous vers lui. Et non pas de lui. Thumma qal al-mutakabbir. C'est l'orgueilleux, le mutakabbir. Pourquoi Allah Azza wa Jalla dit mutakabbir? Parce que takabbara an fi'li sou. Takabbara an fi'li sou. Il est, yani, ma'adallah, qu'il fasse, yani, si on le faisait, ça aurait été un péché. Allah Azza wa Jalla ne fait que des choses yani qui sont belles et les choses qui non seulement il fait ce qu'il veut, mais il fait seulement les choses lati taliq bi jalalihi. Allah Azza wa Jal ne fait pas des choses qui sont pas bien, c'est lui le mutakabbir an fi'li sayyi'at wa an fi'li as-su'i. Ensuite il est aussi orgueilleux en ce sens que il y a un hadith sahih qui dit que le kibriya ou ridaï, etc. Ma'ruf, il est connu le hadith. Donc Allah Azza wa Jal huwa al-mutakabbir. Allah Azza wa Jal huwa al-mutakabbir. Wa li hada faman naza'ahu fi kibriya et hada adkhalahu an-nar. Kama ja'a fi al-hadith sahih. Thumma qal subhanallah amma yushrikun. Gloire à Allah, il transcende ce qu'il lui associe. Huwa Allahu al-khaliq, c'est lui Allah le créateur. Al-Bari, celui qui donne un commencement à toute chose, huwa al-Bari. Al-Musawwiru, le formateur, il a les plus beaux noms, lahu al-asma'ul husna. Allah Azza wa Jal, non seulement il a des noms, mais il a les plus beaux noms, il a les plus beaux Non, ça veut dire il n'a pas les noms qui ne sont pas beaux. Il a les plus beaux noms. Il n'a pas seulement les beaux noms, mais les plus beaux. Les plus beaux noms. Ensuite, il a dit يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. En français, ça donne يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant et le sage. ونؤمن بأن الله له ملك السماوات والأرض. Nous croyons que à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. يخلق ما يشاء, il crée ce qu'il veut. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. Il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. ويزوجهم ذكرانا وإناثا. Ou bien il donne, il les donne en père, ça veut dire garçon et fille. ويجعل من يشاء عاقيما. Et il rend stérile qui il veut. إنه عليم قدير. Il est certes omniscient et omnipotent. Bien sûr, chaque nom, on doit l'expliquer très longuement. Mais d'abord, on passe comme ça, sans beaucoup d'explications, sans beaucoup de détails. Et ensuite, on va rentrer dans chaque nom avec les détails, Inch'Allah Ta'ala. Dans chaque nom avec les détails, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, il a dit وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ مَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا رِزْقُهَا يَعْلَمُ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَهُ مُسْتَوْدَعَهُ كُلٌّ فِي كِتَابِ الْمُبِينِ. Rien ne lui ressemble, c'est lui l'audion, le clairvoyant. Il possède les clés des trésors et des cieux de la terre et de la terre. Pardon, c'est pas ça. Nous croyons qu'il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, et il connaît son gîte et son dépôt, tout est dans un livre clair. ونؤمن بأن عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Nous croyons que c'est Allah Azza wa Jal qui détient. Nous croyons que c'est Allah Azza wa Jal qui détient les clés de l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qui ne la sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ou de sec qui ne soit enregistré dans un livre explicite. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Nous croyons qu'Allah appartient à la connaissance de l'heure. Donc pourquoi il y a certains gens par exemple qui croient, qui prétendent qu'ils connaissent يعني quand est-ce que ça va être la fin du monde. Et bien sûr, quiconque dira comme cela, ou bien c'est un kafir, ou bien c'est un jahil, ou bien c'est un jahil. On lui apprend, s'il dit non, je connais, on lui dit alors tu es un kafir, parce que celui connaît quand sera la fin du monde. Et moi-même, des fois, pardon, j'ai une fois, j'étais à un dors, quelqu'un, ça fait un ou l'autre, un grand innovateur. Qui faisait le dors, il a dit que le jour du jugement, un grand du monde sera dans un pendant la cité des âges. J'ai oublié, il a dit dans 400 ans, 360, je ne sais pas. Et pour quelqu'un qui est des doros, donc il y a même qui ont des doros et qu'il croit qu'il peut avoir en tête la fin du monde. Ensuite, il a dit, et c'est lui qui fait tomber la pluie. Et c'est lui qui fait tomber la pluie. Je prends J'attends un peu, c'est connecté ou là j'ai pas de connecté. Bon, et c'est lui qui fait tomber la pluie, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait tomber la pluie. Et il y a dans les matrices. Wa ya'lamu ma fil arham. Et c'est ce qu'il y a dans les matrices. Maintenant, certains disent que on peut connaître ce qu'il y a dans les matrices. On peut connaître ce qu'il y a dans les matrices. Ils disent que c'est très facile. Est-ce qu'il y a du sang à la SMAC? Est-ce qu'il y a du sang là, ça se coupe. Allah a dit que ça avait ce qu'il y a dans le Christ. Là, on dit que maintenant, par exemple, avec des, on peut savoir dans la matrice. Bon, si je coupe, peut-être que je vais sortir, je vais rentrer. Si ça coupe beaucoup, si ça coupe beaucoup, peut-être que je vais un peu lancer. Je vais déjà attendre un peu, si ça coupe beaucoup, je vais rentrer. Est-ce que ça, il y a du saut? Il y a pas. Ça coupe. Je reviens sur la table. Maintenant le son est bon, j'ai pas voulu relancer, je vais essayer de continuer. Si ça marche pas, je vais essayer de relancer. Est-ce que le son est bon maintenant? Et bon, Inch'Allah ta'ala. C'est pas d'accord. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت في صوت نعم. Il a dit, nous croyons que Allah Azza wa Jal, qu'à Allah appartient la connaissance de l'heure, et c'est lui qui fait tomber la pluie, et il sait ce qu'il y a dans les matrices. J'ai dit que maintenant certains disent que il est possible de savoir ce qu'il y a dans les matrices. Il y a, j'ai oublié comment ça s'appelle, avec il y a l'échographie. Avec l'échographie, on peut voir ce qu'il y a dans les matrices, et si on voit ce qu'il y a dans les matrices, on peut savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille, ou si ce sont des jumeaux. Et maintenant, bien sûr, la plupart des gens, yani, avant que la femme n'accouche, peut-être au quatrième mois ou au cinquième mois, la femme et le mari savent déjà s'ils vont avoir une fille ou là un garçon. Alors, ils ont dit, si on dit cela, ça veut dire qu'il y a contradiction avec quoi? Avec le verset. Car le verset a dit, et ici, qu'il y a dans les matrices. Ça veut dire que seul Allah Azza wa Jalla sait qu'il y a dans les matrices. Mais les ulama ont dit, quand Allah Azza wa Jalla a dit en arabe, wa ya'lamu ma fil arham, il n'a pas dit wa ya'lamu man fil arham. Il n'a pas dit que Allah Azza wa Jalla connaît ce qu'il y a. Mais il a dit, il sait ce qu'il y a. Et quand on dit connaître ce qu'il y a dans les matrices, ce n'est pas seulement connaître si c'est quelqu'un de sexe masculin ou féminin. Mais le médecin ou l'échographie, qu'est-ce qu'elle peut savoir? Elle peut te dire seulement si c'est masculin ou féminin, sexe masculin, féminin ou les jumeaux, etc. Le nombre, il y a deux, il y a trois, il y a quatre à l'intérieur. Mais Allah Azza wa Jal connaît le sexe, le nombre, il te dit celui-là, comment qu'il va vivre, où il va mourir, quand est-ce qu'il va mourir, avec qui il va se marier, qu'est-ce qui va se passer dans toute sa vie, est-ce qu'il sera heureux, est-ce qu'il sera malheureux, est-ce qu'il ira en enfer, est-ce qu'il ira au paradis. Il sait tout de ce qu'il y a dans les matrices. Mais l'échographie, non, l'échographie te dit seulement s'il est masculin ou féminin. En arabe, c'est mieux compris parce que on fait la différence en arabe entre men et ma. Ya'lamu ma fil arham. Allah Azza wa Jalla n'a pas dit ya'lamu man fil arham. Il a dit ya'lamu ma fil arham. Il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et yani, la traduction, ce n'est pas bien sûr comme en arabe. En arabe, on fait la grande différence entre men et ma. Ensuite, il a dit wa nu'minu bi anna Allah yatakallamu bima yasha mata yasha kayfa yasha. Et nous croyons que Allah Azza wa Jalla parle de ce qu'il veut, quand il veut et avec qui il veut. Nous, inshallah ta'ala, sunnah wal jama'a, yu'minun wa yuqirun bi anna Allah Azza wa Jalla yatakallam khilafan liman yunkiru dhalik aw liman قال في كلام الله عز وجل أشياء يعني باطلة سنذكرها إن شاء الله تعالى ببعض التفاصيل. Les gens de la sunna et de la jama'a attestent que Allah عز وجل parle. Il parle quand il veut et il parle avec qui il veut. Il a déjà parlé à Adam, il a parlé aux anges, il a parlé à Moussa alayhi salatu salam, il a même parlé au shaytan, il a parlé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il a fait l'ascension, il a parlé à d'autres anges. Donc nous on dit que Allah Azza wa Jal parle, et on dit qu'il parle quand il veut, avec qui il veut. Pourquoi? Parce qu'il y a des sectes qui disent, et il y a des sectes comme le Karamiya qui dit que il ne parlait pas auparavant, ensuite il a commencé à parler. Astaghfirullah. C'est comme s'il était muet, ensuite il a commencé à parler. Astaghfirullah. Et d'autres disent qu'il parle, mais il parle sans يعني من غير مشيئة ولا قدرة. Il parle من غير مشيئة ولا قدرة. Sans volonté. Ceux-là aussi sont égarés. Nous on dit il parle. Et Allah Azza wa Jal, sa parole comme c'est dans les hadiths sahihah et comme c'est la doctrine de Al-Sunnah al-Jama'a, la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est des lettres, huruf wa saut, et une voix, un son. Il parle avec des lettres et il parle avec un son. Le son, c'est comme dans le hadith sahih, que dans ce sens où il dit que Allah Azza wa Jalla yani thumma yunadi bi sawt yasma'uhu man qaruba kama yasma'uhu man ba'uda. Al-Albani a dit c'est un bon hadith. Bi sawt yasma'uhu man qaruba kama yasma'uhu man ba'uda. Yani on entendra une voix qui l'entendra celui qui est près comme il entendra celui qui est loin. Question de voix et de son. Question de huruf, c'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la aqul alif lam mim harf, lakin alif harf lam harf mim harf. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait de alif lam mim, par exemple Baqara, ça commence par alif lam mim, il a dit alif harf lam, c'est une lettre, alif c'est une lettre, mim c'est une lettre. Alif lam mim, c'est quoi? C'est la rôle de Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal parle et avec une voix, avec, ça veut dire on l'entend. Pourquoi? Parce qu'il y a des sectes égarées comme le Kullabiyya aussi qui dit que la parole de Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose d'interne. Il parle en son âme, en son intérieur, mais on ne l'entend pas et personne ne peut l'entendre parce qu'il ne parle pas comme nous, comme ça, avec une voix et des lettres. Il parle, et ça c'est une grande bida. Les ulama ont dit c'est une bida, bida qui est venue d'une secte qui s'appelle le Kullabiyya. Elle dit كلام نفسي. الله عز وجل إله une parole نفسي. en son intérieur, en son fort intérieur. Mais il ne parle pas comme nous, quelqu'un peut l'entendre. Personne ne peut l'entendre. On dit non, ça c'est une bida. Là, il parle et on l'entend. Et il parle et il dit à Jibril, il fait ceci, il ne fait pas cela. J'aime X, aime-le, etc. Et il a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il faut que vous fassiez 50 salats, 50 prières. Ensuite, il a descendu jusqu'à 5 prières, il a parlé à Moussa alayhi salam. C'est pour ça que Allah azza wa jalla, quand il a dit dans le Coran, wa kallama Allahu Moussa taklima. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Ceux qui ont dit Allah azza wa jalla ne parle pas, ils ont dit, s'il y avait un verset, s'il y a un verset dans le Coran qu'on pouvait y aller, enlever, que je peux enlever, j'enlèverai ce verset. Pourquoi? Parce que il est une preuve flagrante, très forte, que Allah Azza wa Jal parle et a parlé à Moussa. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Kallama Allah Moussa taklima. Taklima, yani, ça s'appelle en arabe maf'oul mutlaq. On vient avec le complément d'un mutlaq, je ne sais pas, j'ai oublié comment on dit mutlaq. Il y a complément de lieu, complément du nom, complément de temps, complément mef'oul mutlaq, je ne sais pas. Mais en arabe, lorsqu'on vient avec le mef'oul mutlaq, c'est pourquoi, c'est pour ta'kid. Je dis par exemple, je l'ai frappé une frappe, j'ai jeté un G, yani, pour être plus sûr, ça s'appelle ta'kid. Quand Allah Azza wa Jalla dit wa kallama Allahu Moussa, il a ajouté kallama taklima. Yani, pour que tu sois sûr que vraiment, yani, il ne reste aucun doute que Allah Azza wa Jalla, il a parlé à Moussa. D'autres, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Des égarés qui disent que Allah Azza wa Jalla ne parle pas. Ils ont dit wa kallama Allahu Moussa taklima. Ils ont dit wa kallama Allaha. C'est pas wa kallama Allahu. Ils ont dit non, on dit wa kallama Allaha Moussa taklima. Maintenant, si au lieu de dire wa kallama Allahu Moussa taklima, tu vas dire wa kallama Allaha Moussa taklima, tu as tout inversé. Ça veut dire, au lieu que le verset qui a dit c'est Allah qui a parlé à Moussa, ça devient c'est Moussa qui a parlé à Allah. C'est Moussa qui a parlé à Allah. Wa kallama Allah, Allahuna, c'est le sujet. C'est Allah qui a parlé à Moussa. Wa kallama Allah Moussa. Eux, ils ont dit non, wa kallama Allaha Moussa. C'est Moussa kallama Allah. C'est comme tu dis par exemple, on dit le chat a mangé la souris. Ensuite on dit la souris a été mangée par le chat. En français, c'est très clair. On peut pas, yani, quand tu dis la souris a été mangée, c'est la souris qui a été mangée. Tu dis le chat a mangé. Mais en arabe, si tu changes le O, il devient A, ça y est, tu as tout changé. Quand tu dis kallama Allahu, c'est Allah qui a parlé. Quand tu dis kallama Allaha, c'est un autre qui a parlé à Allah. Et eux, ils ont voulu dire que c'est Moussa qui a parlé à Allah. On dit non. Si c'est Moussa qui a parlé à Allah, à Allah, Azza wa Jal, tout le monde parle à Allah. Qui ne peut pas parler à Allah? Lève les mains et commence à dire à Allah, donne-moi ceci, à Allah, donne-moi cela, et Allah, je te remercie. Allah, tu as parlé à Allah. Mais est-ce que Allah t'a parlé? Ah, voilà, est-ce que Allah t'a parlé? Non. Allah a parlé à quelques-uns seulement. Entre autres, il a parlé à Moussa, à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme je venais de dire. Donc, ceux qui essayent de falsifier en changeant le A en O, etc., ce sont des égarés, et ils ne peuvent pas, bien sûr. ثم في شيء آخر مهم فيما يخص كلام الله عز وجل السنة والجماعة يقولون منه بدأ وإليه يعود لماذا يقولون هذا؟ لأن المعتزلة مع الأسف تقول الله عز وجل لم يكلم موسى هكذا، إنما الله عز وجل كلم شجرة ثم ذهب موسى عليه السلام فوضع أذنه في الشجرة فسمع منها كلام الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Les Mu'tazila, qui sont une secte égarée, très égarée, ont dit que Allah عز وجل n'a pas parlé à Moussa comme ça directement. Ils ont dit Allah عز وجل a parlé à un arbre, il a choisi un arbre, il lui a parlé. Ensuite, la parole d'Allah عز وجل est restée dans l'arbre, bien sûr, et Moussa عليه السلام est parti, il a mis son oreille contre l'arbre et il a écouté la parole d'Allah dans l'arbre. La hawla wa la quwwata illa billah. Et nous on dit, donc, ça suppose deux choses, yani, très graves. وهذا يلزم منه محذوران. المحذور الأول، محذور الأول أن الشجرة أفضل من موسى، الشجرة أفضل من موسى لأنها كانت أهلا لتلقي كلام الله، وموسى نبي الله ولم يتلقى كلام الله سبحان الله العظيم. La première grande faute, grande bêtise, hein, des Mu'tazila, comment qu'on va leur dire? On va leur dire donc, l'arbre est mieux que notre prophète Moussa alayhi salam. Parce que l'arbre, Allah lui a parlé, et Moussa alayhi salam, il lui a pas parlé. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc un arbre est mieux que notre prophète Moussa alayhi salam. Alors qu'un arbre, c'est du bois. Pardon de la phrase, il vient un chien, il va uriner sur l'arbre et il va partir. C'est rien un arbre. Alors comment Allah va parler à un arbre, il ne va pas parler à Moussa. Alors là, yani hada, c'est un égarement, yani très très, comme il n'y a pas deux. Awalan. Thaniyan. Lorsque Allah Azza wa Jalla a parlé donc à l'arbre, il n'a pas parlé à Moussa. A parlé à l'arbre, il n'a pas parlé. Lorsque Moussa écoutera l'arbre qui va parler, entre autres, que dira l'arbre? Parmi la parole d'Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Innani ana Allah la ilaha illa ana. Innani ana Allah la ilaha illa ana. Je suis Allah, il n'y a nul d'autre que moi. Donc, quand Moussa mettra l'oreille dans l'arbre, il écoutera l'arbre qui dira entre autres, il n'y a deux dieux que moi, adore-moi. La ilaha illa ana fa'budi. Donc, l'arbre c'est un dieu. L'arbre c'est Allah. Parce que l'arbre a dit, il n'y a deux Allah que moi, adore-moi. Donc, on va adorer l'arbre. Voilà la deuxième grande bêtise que les Mu'tazila ont dite sans qu'ils sachent qu'ils ont fait cette grande bêtise. Nous on dit non. Les Sunna disent non. Allah n'a pas parlé à l'arbre. Minhu bada'a. La parole de Dieu, de Allah Azza wa Jalla, vient de lui directement. De lui. Elle ne vient pas par l'intermédiaire d'un arbre ou d'autre chose. Elle vient de lui. Elle sort de lui, il la donne à Jibril alayhi salam, il la descend. قُلْ نَزَلَ بِهِ الرُّحُ الْأَمِنِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنْ مُنْدِرٍ. Dit Jibril alayhi salam, الرُّحُ الْأَمِنِ, c'est lui qui est descendu avec la parole d'Allah. Tu diras au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah t'a dit ceci, ce coûte. Quand vous m'écoutez, ensuite il descend, bien sûr, sans voir Allah. Ensuite il descend, il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah t'a dit ceci et cela. Jibril, d'où il a apporté la parole? Il a entendu Allah Azza wa Jal parler. Donc Allah Azza wa Jal n'a pas parlé à un arbre, comme on dit les Mu'tazila. Ensuite, As-Sunna wal Jama'a disent, Minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. De Allah Azza wa Jal a commencé sa parole et vers lui elle va revenir. Comment ça vers lui elle va revenir? Naam, lianna fihi hadithan sahihan annahu yani sayati yawm sayurfa'u hadha al-Qur'an kalamullah azza wa jalla yurfa' wa lam yabqa minhu harf. Naam, sayurfa' wa lihadha qulna minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Pourquoi on a dit que la parole d'Allah Azza wa Jal vient de lui et ira vers lui. Ira vers lui, ça veut dire que, comme il y a un hadith sahih qui dit que, il va venir un jour où on va ouvrir le Coran, on ne va trouver aucune lettre, aucun mot. Le Coran vide, les pages comme ça vides. Pourquoi? Parce que le Coran, Allah Azza wa Jal, va le prendre une deuxième fois ou bien une dernière fois avant la fin du monde. Comme c'est, vous devez savoir, c'est un sunna ou jama'a qui disent comme ça, parce qu'il y a un hadith sahih qui dit comme ça. Donc il va se passer un jour où les musulmans vont ouvrir le Coran, ils vont rien trouver à l'intérieur. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse mourir avant ce jour, parce que ce jour là ça veut dire que c'est très grave. Allah Azza wa Jal va faire monter son Coran, sa parole, ça veut dire que c'est très grave. Ceux qui vont rester, ils vont vivre dans l'égarement. Il n'y a pas le Coran, il n'y a rien. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous fasse yani mourir avant ce jour-là. Wa fi shay akhar fi ma khus kalam Allah fi shay akhar. Si quelqu'un jure par la parole d'Allah Azza wa Jal, son yani le fait de jurer ainsi est valable. Si quelqu'un dit, quand il va jurer, il dit je jure par le Coran. Les ulama ont dit c'est valable. Pourquoi? Parce que quand on jure, on ne jure que par Allah et par ses noms, ses attributs. Et le Coran, c'est quoi? C'est un de ses attributs, sifa. Sifa min sifatillah azza wa jal. Sifa zatiya ou sifa fi'liya. Les attributs se divisent en deux grandes parties. Zatiya, qui revient en son essence, en essence, l'essence d'Allah azza wa jal, et fi'liya, yani les choses qu'il fait. Donc, la parole d'Allah azza wa jal, c'est une sifa, c'est un attribut. Il contient les deux. Il est zati ou fi'li. Donc, si quelqu'un jure par le Coran, il dit par exemple, je jure par le Coran ou par la parole d'Allah que je n'ai pas fait ceci ou cela, il a, ce qu'il a dit, c'est juste et c'est vrai et il peut le faire. Avec une condition, laquelle, c'est d'avoir l'intention, quand il dit le Coran, c'est pas le livre, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la parole d'Allah. Parce que le livre, il a été fait à l'imprimerie. Ensuite, on l'a peint en jaune ou là, je ne sais pas quoi, on lui a donné une couleur. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, la parole d'Allah, il a juré par la parole d'Allah. Quand il jure le Coran, ça veut dire la parole qu'il y a à l'intérieur. Ça ne veut pas dire le livre. Ça, c'est ce qu'on doit à peu près savoir sur la parole qu'il parle quand il veut et avec qui il veut. Et voilà ce qu'on doit savoir à peu près sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a autre chose. Autre chose, on va ajouter encore autre chose aujourd'hui avant de, inshallah, on va terminer. قال ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Nous croyons que votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en six jours. Puis s'est établi stawa sur le trône, stawa ala l'arsh, yudabbiru l'amr, il administre toute chose. Ensuite il a dit wastiwa'uhu ala l'arsh 'uluwuhu 'alayhi bi dhatihi 'uluwan khassan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi la ya'lamu kayfiyatahu illa huwa. Son installation, l'istiwa, sur le trône veut dire qu'il est au-dessus du trône en son essence, et cet établissement lui est propre et sied à sa grâce, sa majesté, sa gloire. Nul ne peut connaître le comment de son installation, l'istiwa. Sauf lui. ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو صوت موجود ولا إلي ساسكوب اسكي ليا صوت هذا ولا سي بارتي استغفر الله واتوب إليه اسكي ليا صوت ولا إليا با maintenant il a parlé de quelque chose de très très très très important, très très très important pour le musulman, pour celui qui veut rencontrer Allah Azza wa Jalla demain, réjoui de lui. Il a dit ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على عرشه. ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على عرشه. استوى على العرش. Celui qui a dit puis s'est établi sur le trône. Ensuite il a dit son installation ici sur le trône veut dire qu'il est au-dessus du trône. Donc Ahl Sunna wal Jama'a yuthbituna ulu Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Allah azza wa jal mustawin 'ala al-'arsh la kama yaqul al-mubtadi'a wa ghayruhum min al-jahmiyya wa an-najariyya wa al-ash'ariyya wa ghayrihim alladhina yaqulun inna Allah azza wa jal laysa 'ala al-'arsh. Je disais que Ahl Sunna wal Jama'a disent que Allah subhanahu wa ta'ala est sur son trône, établi sur son trône. Le trône, ça s'appelle l'arche, ou bien l'arche, ça s'appelle le trône. Et l'arche, comme vous devez savoir, l'arche en arabe, c'est serir, le lit en arabe. Et c'est exactement, c'est plus précisément, les ulama disent, l'arche, c'est le fauteuil, ou bien le divan, ou bien dites si vous voulez le lit. Ça soit, par exemple, le roi, quand il vient pour donner les ordres, pour régir, etc. Ça s'appelle l'arche. C'est la chose sur laquelle s'assoit le roi ou là le prince ou là le gouverneur là, quand il vient pour recevoir les gens, il commence à donner les ordres, etc. Ça s'appelle l'arche. Allah Azza wa Jal, il a un trône. Il a un trône. Personne ne sait comment c'est ce trône. Sauf qu'il nous a dit dans le Coran, etc. Par exemple, il a dit وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذٍ ثَمَنِيَا. Il nous a dit qu'il y a 8 anges qui prennent le trône Ada, qui soulèvent le trône Ada. Mais ce trône, il est tellement grand, tellement vaste, tellement puissant, que personne ne sait exactement comment qu'il est. Ensuite, autre chose, le trône Ada, comme c'est dans un hadith sahih, vous savez que le meilleur paradis, c'est Jannat al-Firdaus. C'est le paradis du Firdaus. Le paradis du Firdaus, Aqfuhu, comment qu'on dit saqf en romaïa, saqf. Saqfuhu, quand tu lèves ta tête, tu es dans le paradis du Firdaus, tu lèves ta tête, saqf, voilà, c'est le plafond. Quand tu lèves ta tête sur le plafond, sans plafond, le plafond du paradis du Firdaus de 30. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que tous les paradis ont un plafond normal, sauf le Firdaus. Il a comme plafond, il a le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, attends, je fais. J'attends un peu. Tant qu'il m'a sans le son, est-ce maintenant parce que ça a coupé, ça a revu. Est-ce qu'il y a pas relancé, il y a du son maintenant. Salam alaikum wa rahmatullah. Je saute parce que j'étais déconnecté et je viens de rentrer. Est-ce qu'il y a du son? Barakallahu fikoum. Je saute. Naam. Je disais que Allah Azza wa Jal est sur son trône. On ne doit pas se dire comme on ne doit pas dire qu'on dise ça se coupe. Maintenant. Je disais qu'on ne doit pas dire, comme disent les innovateurs. Les innovateurs qui disent que, ou bien je ne sais, quand tu leur poses la question, tu leur dis, où est Allah? Où est Allah? Je ne sais pas où il est. Ils disent, il est partout. Ils disent, il ne faut pas dire cette question. Tout ça. Disait que ça fait pas. J'attends que il revient à l'internet. Je dis que quand on pose cette question, où est l'Azéodien, doit répondre sur le trône. On doit répondre, il est sur le trône au-dessus des cieux. Au-dessus des cieux, c'est ça que dit Sunna ou Lama. C'est ça qu'il dit. Il ne dit pas, il est pas où. Il ne dit pas, on sait où il est. Mais il dit, il est sur le trône. On l'a dit dans le Coran. Rahman al-Arshitawa. Rahman al-Arshitawa. Certains qui disent, on ne sait pas où il est. Il y a certains qui disent, il ne faut pas poser cette question. On ne dit pas où est là, on se dit pas. Il y a certains qui disent, il est dans notre corps. Et il y a d'autres qui disent, il est partout. Tout, bien sûr, c'est faux. Tout ça, c'est loin de la vérité. Tout ça, c'est loin de l'aqidah des salafs salih. Les salafs salih, tous, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala est sur les cieux. On va s'arrêter ici parce que avant qu'il commence à faire des problèmes, je disais que Al-Jama'a disent que Allah subhanahu wa ta'ala est sur les cieux. Est sur les cieux. C'est comme ça que c'est dans le Coran et dans la Sunna. On ne dit pas Allah est partout. On ne dit pas, on ne sait pas où il est. On ne dit pas, on ne sait pas où il est. Donc on ne dit pas, on ne sait pas où il est, on ne dit pas il est dans notre cœur, on dit il est sur les cieux. Comme il a dit Allah dans le Coran, « Amintum man fis sama » أن يختف بكم الأرض إلى بمن في السماء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais sortir, je vais rentrer, je vais relancer une dernière fois. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais passer maintenant à vous donner l'occasion de poser des questions. On commence Allah Ta'ala par la aqida, les questions sur la aqida. Ensuite, s'il n'y a pas sur la aqida, on passe à autre chose. D'abord, est-ce qu'il y a du son? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous... D'accord. La dernière chose que je veux dire, c'est la conclusion. Donc la dernière, c'est la conclusion. Les gens de la sunna et de la jama'a disent que Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux, sur son trône. On ne dit pas comme disent les Jahmites, les Halulites, les Jahmiyyah ou les Najariyyah. Ils disent que, et les Ash'ariyah, ils disent que Allah Azza wa Jal ni sur le ciel, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. On ne sait pas où il est. Certains disent il est dans notre cœur. Certains disent il est partout. Tout ça c'est faux et c'est de l'égarement. L'Azawajal, où il est, tu dis il est sur les cieux. Il est sur son trône. Et on ne dit pas assis. On ne dit pas assis sur son trône. Parce que assis a dit, il n'y a ni un hadith ni un verset qui dit que l'Azawajal s'assoit. On ne peut pas tirer de nos têtes des choses. On dit il est établi sur le trône. L'Azawajal, istawa al-arsh. C'est pas assis, il s'est mis sur, il s'est élevé sur le trône, mais on ne dit pas il s'est assis sur le trône. Certaines vieilles disent l'Azawajal il est assis sur une chaise. L'Azawajal n'a pas de chaise, il n'est pas assis sur une chaise, il a un trône et il s'établit sur le trône, comme il a dit dans le Coran, amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-ard, amintum, est-ce que vous ne craignez pas man fis sama', celui qui est sur les cieux, qu'il fasse tourner la terre, etc. Qui est sur les cieux? C'est Allah Azza wa Jalla, il n'y a pas un autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit, par exemple, que quand l'époux demande à sa femme le rapport et qu'elle l'empêche, il a dit illa wa bat, celui qui est sur les cieux, yani se mettra en colère jusqu'à ce qu'elle vienne vers son époux. Il a dit, qui? Celui qui est dans les cieux, sur les cieux. Et qui est sur les cieux? C'est Allah Azza wa Jal. Et le prophète n'a-t-il pas demandé à la bergère où est Allah? Elle lui a dit, sur les cieux. Fisama. Il a dit donc, c'est une mu'mina. Elle est mu'mina. Pourquoi? Parce qu'elle a su que son Dieu, Allah Azza wa Jal, est sur les cieux. Et c'est une bergère. Elle dit c'est une bergère et elle a su que Allah Azza wa Jal est sur les cieux. Maintenant on trouve des gens qui ont le doctorat, donc en sharia, en science islamique, et ils nient que Allah Azza wa Jal est sur les cieux et qui n'attestent pas que Allah Azza wa Jal est sur les cieux. Je parle avec un doctorat, il n'atteste pas cela. Bon, on commence les questions, Inch'Allah Ta'ala. Celui qui a une question, il lève sa main. Ensuite, il la colle, Inch'Allah Ta'ala. Hakim, tfadl, Hakim. Tfadl, je te donne le micro, tfadl. Tout façon, demain, inchallah, ou là, après demain, je vais changer de micro. C'est pas possible de continuer avec celui-là qui coupe comme ça toutes les 10 minutes. Je suis en train de lancer un programme. C'est là que tu avais posé une question. Il y a une question. حكيم تفضل. شتون في البوان وجي اوبليي تفضل. On a raconté, on dit Stawa ila, ça veut dire Qasada, Qasada. Stawa ala, ça veut dire Irtafa'a. Stawa ila sama, ça veut dire Qasada, Qasada sama. Stawa ala, ça veut dire Irtafa'a pour sama. Donc il y a une différence entre Stawa ila, qui veut dire Qasada, Yaksid, Stawa ala. Fadl Salama. Allah Azza wa Jal Mutakabbir, c'est lui l'orgueilleux. Premièrement, il a un orgueil, pas comme notre orgueil, bien sûr. Tout ce que Allah Azza wa Jal a, rien ne lui ressemble des choses qu'on a nous, même si ça a le même nom. Par exemple, il a deux mains, on a deux mains, mais ce ne sont pas les mêmes mains. L'orgueil Allah Azza wa Jal, on a rebondi Mutakabbir. Mutakabbir. يعني قال العلماء الذي تكبر عن فعل السوء c'est lui qui s'est mis au-dessus de فعل السوء. تكبر عن فعل السوء يعني qui se met au-dessus. Expliquez en français. En arabe, c'est تكبر عن فعل السوء. يعني حاشا أن يفعل الله عز وجل السوء. فهو المتكبر عن ذلك. C'est un peu difficile à expliquer en français. En arabe, c'est clair. تكبر عن فعل السوء. تكبر حاشا أن يفعل السوء. أو المتكبر.